Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Je suis ravie de vous retrouver en ce 3 janvier, je vous présente tous mes voeux pour cette nouvelle année, que tout ce que vous souhaitez se réalise et surtout une très bonne santé. Nous sommes donc le 3 janvier, nous souhaitons une bonne fête aux Genevièves, ça vient du celte signifiant claire. Douce, secrète et réservée, les Genevièves possèdent un caractère introverti et méfiant. Elles ne se dévoilent pas facilement. Hyper émotives et sensibles, elles cherchent à ne rien montrer de leur émotion intérieure. Aussi croit-on souvent qu'elles sont froides, distantes, fières et qu'elles manquent de cœur. Elles n'ont pas toujours une grande confiance en elles-mêmes. Sceptiques et pessimistes, les Genevièves ne croient pas à la chance. Voilà pourquoi elles s'extériorisent par leur travail. Soucieuses des détails, perfectionnistes, volontaires et acharnées, elles sont capables de s'investir fortement dans leur carrière ou leurs études au détriment de tout le reste. Réfléchies, prudentes, économes, égocentriques, fidèles et stables, elles sont strictes et ont des principes. Cependant, une autre tendance de leur personnalité consiste en la fragilité, la soumission, la dépendance, l'inquiétude, la timidité, l'infériorité, tendance plutôt marquée dans l'enfance où l'environnement maternel sera très déterminant. Dicton du jour, Sainte Geneviève ne sort point si Saint Marcel ne la rejoint. Pas de célébration internationale aujourd'hui et dans les événements qui se sont déroulés un 3 janvier, en 1959, l'Alaska devenait le 49e État américain. Allez, première pause musicale avec Led Zeppelin et leur titre Cachemire. I'm a traveler of both time and space. Voilà pour Led Zeppelin avec le titre Cachemire. Donc sur RGM, presque 8h37, on fait un point anniversaire. Ils sont nés un 3 janvier 1942, naissance de Danielle Thompson, scénariste, réalisatrice française, à qui l'on doit La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs, Les Aventures de Rabbi Jacob, La Boum 1 et 2, L'As des As, L'Étudiante, La Reine Margot, Ceux qui m'aiment prendront le train, Belphégor, Le Fantôme du Louvre, Fauteuil d'orchestre, Le Code a changé, réalisatrice, des films Fauteuil d'orchestre et Le Code a changé. 1946, naissance de John Paul Jones, musicien britannique, bassiste du groupe Led Zeppelin. 1950, naissance de Victoria, principale actrice américaine, connue pour son rôle de Pamela Barnes Ewing dans la série télé Dallas, vue également dans la série Les Griffins dans le rôle du docteur Amanda Rebecca, ou encore la série Titan dans le rôle de Gwen Williams. 1956, naissance de Mel Gibson, acteur américain vu dans Mad Max 1, 2 et 3 dans le rôle de Max Rotatansky, L'Arme Fatale 1, 2, 3 et 4 dans le rôle de Martin Riggs, ainsi que L'Arme Fatale 5 qui est en projet et qui devrait sortir en 2022. Bon, on a encore le temps. On a pu le voir également dans le rôle d'Hamlet dans le film du même nom, vu dans le film Maverick dans le rôle de Brett Maverick, Braveheart dans le rôle de William Wallace, The Patriot, Ce que veulent les femmes dans le rôle de Nick Marshall, Machete Kills, Expendables 3 dans le rôle de Conrad Stonebanks, réalisateur de Braveheart, récompensé par l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur, La Passion du Christ, scénariste du film La Passion du Christ et producteur également de La Passion du Christ et de Braveheart. 1958, naissance de Smain, humoriste et comédien français, vu dans Le Téléphone sonne toujours deux fois, Les Frères Pétard, Le Schpoons ou encore à la télé dans Camping Paradis. 1969, naissance de Michael Schumacher, ancien pilote de Formule allemand, avec 7 titres de champion du monde de F1, 91 victoires en Grand Prix et 68 pole positions. Il possède le plus beau palmarès de ce sport. À ce jour, il détient la plupart des records de la F1, à l'exception des records de précocité. D'ailleurs, en parlant de Michael Schumacher, sa famille a publié un communiqué hier. Bon, on n'apprend pas grand-chose, mais ce communiqué dit ceci. Vous pouvez être sûr qu'il est entre les meilleures mains et que nous faisons tout ce qui est humainement possible pour l'aider. Nous suivons les souhaits de Michael et gardons un sujet aussi sensible que sa santé en privé. On rappelle que Michael Schumacher avait eu un accident de ski il y a quelques années. Maintenant, il avait été pendant plusieurs mois dans le coma et depuis qu'il en est sorti, eh bien, on n'a pas trop de nouvelles sur son état de santé. Allez, on continue les anniversaires. 1975, naissance de Thomas Bangalter, musicien français du groupe Daft Punk. 1976, naissance de Satya Oblette, mannequin français. 1978, naissance de Lia Kebede, actrice et mannequin éthiopienne, vue dans le film Sur la piste du marsupilami dans le rôle de la reine Paya ou encore dans le film Samba. 1983, naissance de Cathy McGrath, actrice irlandaise, vue dans Jurassic World dans le rôle de Zara Young, Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur dans le rôle d'Elsa, à la télé dans la série Les Tudors, la série Merlin dans le rôle de Morgan ou encore Supergirl dans le rôle de Lena Luthor. 1992, naissance de Delphine Vespizer, Miss France 2012, mannequin, animatrice télé, actrice chroniqueuse, porte-parole et femme politique française. En 1875, décédé Pierre Larousse, encyclopédiste, lexicographe, éditeur français surtout connu pour les dictionnaires qui portent son nom. En 2006, décédé Arlette Grus, artiste de cirque française. Et en 2009, décédé Pat Engel, acteur américain, connu pour son rôle de James Gordon dans Batman, Batman le défi, Batman Forever et Batman et Robin. Allez, nouvelle pause avec les Daft Punk. On remonte quelques années en arrière avec le titre Harder, Better, Faster, Stronger. work it, make it, do it, make sense. Harder, better, faster, stronger. More than power, power, never. Ever after work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Sur le 107FM, un peu plus de 8h45 et on parle météo. La météo. Alors, pour ce 3 janvier, eh bien, on commence la matinée sous le brouillard. Celui-ci va se dissiper au fil de la journée, en tout cas, on l'espère, puisque dans le courant de la matinée, on devrait quand même avoir quelques éclaircies. Pour cet après-midi, ce sera par contre plutôt nuageux. Il fait froid ce matin, des températures comprises entre moins 4 et moins 3 degrés. Pour cet après-midi, ce sera plutôt entre moins 1 et 1 degré. Pour vendredi, on devrait avoir plutôt une journée ensoleillée, avec tout de même quelques nuages, des températures comprises entre moins 2 et moins 1 degré le matin, entre 1 et 2 degrés pour demain après-midi. Et samedi matin, on devrait avoir quelques flocons de neige jusqu'en plaine. Ceux-ci vont se dissiper en fil de la journée pour se transformer peut-être en pluie ou carrément disparaître et laisser que des nuages. Des températures comprises entre 0 et 1 degré le matin et entre 1 et 2 degrés prévus pour samedi après-midi. Voilà pour la météo, on passe maintenant à l'actualité sportive. Alors, que s'est-il passé pendant ces vacances ? Eh bien, on commence avec une information en biathlon et le russe Anton Chipoulin qui a annoncé quelques jours avant Noël qu'il mettait un terme à sa carrière. Un mot de cyclocross, pardon, avec la manche de l'EKZ Cross Tour à Mélène. Steve Chenel a terminé 7e. Un mot de basket, cette nuit en NBA, l'équipe de Charlotte de Nicolas Batum à 8 points et Tony Parker à 2 points se sont inquiétés incliné 84-122 face à l'équipe de Dallas. L'équipe d'Orlando, d'Evan Fournier à 13 points, s'est imposée face aux Chicago Bulls 84-112. L'équipe de Boston, de Yabusele à 4 points, s'est imposée 115-102 face à l'équipe du Minnesota. Et enfin, l'équipe de Phoenix, de Okobo à 9 points, s'est inclinée 127-132 face à l'équipe de Philadelphie. Et le tennis a repris ses droits avec tout d'abord en haute Hopman Cup, c'est pas facile à dire. La France qui a été battue par l'Allemagne. La France composée de Lucas Pouille et d'Alizé Cornet. Des tournois cette semaine et on a encore des Français en compétition. Par exemple, au tournoi de Pune, aujourd'hui, il y aura un duel franco-français entre Gilles Simon et Benoît Paire. À Doha, Herbert affrontera Berdych. Il y aura également Djokovic face à Basilashvili et Wawrinka face à Bautista Agut. Et à Brisbane, à noter que ce matin, Tsonga s'est imposé face à Daniel, 7-6, 6-3. Et Jérémy Chardy s'est imposé face à Ukiyama, 6-4, 3-6, 7-6. Et à noter que pour ce tournoi, Rafael Nadal s'est retiré puisqu'il est blessé à la cuisse. Alors espérons que ce ne soit pas très grave pour le joueur espagnol. À quelques semaines du début de l'Open d'Australie, et d'ailleurs en parlant d'Open d'Australie, des nouveaux forfaits, celui de Richard Gasquet, toujours blessé, et de Juan Martín Del Potro, toujours pas remis de sa blessure. Voilà pour l'actualité sportive de cette rentrée 2019. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec un titre que j'aime beaucoup en ce moment. On le doit à Kenji Girac et ça s'intitule Thiago. Des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami, je suis là pour le pire. Qui se moque de toi se moque aussi de moi. Dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami, je suis là pour le pire. Mon ami, mon ami, mon ami, Thiago. Mon ami, mon ami, mon ami, Thiago. Mon ami, la copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bons bricoleurs. Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami, Thiago, Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami, je suis là pour le dire. Thiago, Thiago, Thiago, Thiago Kenji Girac sur RGM. Il est un peu plus de 8h51 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir avant de se quitter. Un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. 13h30, la rediffusion de la chronique de Michel. 14h, clip clap, on tourne. 15h, à l'écoute des jeunes avec Cassandra. 16h, les années bonheur avec Gilou. 20h, jukebox. 23h, rock à la Casbah. Et nous, eh bien, on se retrouve demain matin, hein, même heure, même endroit. Excellente journée à tous. Bye bye.